Mes collègues Michel Tifo et Dominique Bolduc de la station CKJ se sont entretenus avec Yannick Jean. On sait que les Saguenayens ont subi deux revers au cours de la fin de semaine, mettant fin à leur séquence de victoire. Donc, on écoute cette entrevue. Auditeurs. Dans le vestiaire, comme à tous les lundis, on va jaser des Saguenay de Chicoutimi avec l'entraîneur-chef Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Même si la série de victoires s'est arrêtée ce week-end, es-tu satisfait quand même de la performance des Bleus? Ben, pas pour lors des deux derniers matchs. Évidemment, là, on aurait aimé mieux faire les choses différemment. C'est certain qu'on avait un stretch là, de quatre rencontres, là, une séquence là, de contre quatre équipes, là, Halifax, Rimouski, Bécomo, Rimouski, contre des équipes aspirantes. Maintenant, là, on avait très bien fait ça là, à Halifax, un petit peu moins là, contre Rimouski et à Bécomo, là, on était vraiment là, deuxième tout au long de la rencontre. Bécomo avait vu leur séquence victorieuse là, de quoi 15 rencontres, là, prendre fin la veille contre Drummondville, sont sortis à fermer le couteau entre les dents, ce qu'on n'a pas été capable vraiment là, de faire de notre côté. Selon toi, vendredi contre l'Océanique, qu'est-ce qui a fait défaut? Ben, tu sais, avec une jeune équipe, là, souvent, tu reviens des Maritimes, tu reviens d'un long voyage, c'est plus difficile. J'ai trouvé là, qu'on n'avait pas notre énergie habituelle. J'ai trouvé que c'était difficile là, de couper l'espace, là, le temps, l'espace de l'adversaire. On les a laissés manœuvrer là, vraiment à leur guise là, tout au long du match. Schenk était très bon là, pour nous donner une chance jusqu'en troisième période. On avait l'air d'une équipe là, un petit peu fatiguée là, du voyage des Maritimes la semaine d'avant. C'est surtout la deuxième période là, qui vous a coûté cher. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que l'issue du match était réglée? Bon, pas nécessairement. On avait quand même une chance là, après deux périodes. Notre gardien a fait des gros arrêts pour nous donner une chance. Je ne veux pas dire que l'issue était réglée. Par contre, on sentait quand même là, qu'on n'était pas vraiment dans le coup. Point positif, Yannick. Schenk était très bon vendredi, même si vous avez perdu, il était bon. Daniel Maudit, très bon aussi dans le revers contre Bécomo. Il a reçu 50 lancés. À l'approche des séries, là, d'avoir deux gardiens de but hot, c'est prometteur. Oui, vraiment. Je pense que Maudit là, a trois départs de qualité avec nous depuis son arrivée. Pour un gardien là, qu'on a réclamé là, au balotage, là, fait extrêmement bien les choses, comprend bien son rôle, le fait bien également. Donc, non, c'est une belle addition pour nous, puis il nous donne des minutes de qualité dans la deuxième moitié de saison. Vous allez affronter en série des puissances de la Ligue. Qu'est-ce que les Sags devront améliorer défensivement? Parce qu'en attaque, vous êtes capable de marquer des buts. Défensivement, ben, il faut être prudent. Qu'est-ce qu'on devrait améliorer d'ici la fin de la saison? Ben, il faut être capable, peu importe l'adversaire, de mettre la pression sur eux. Il y a des matchs contre certaines équipes où est-ce qu'on a beaucoup plus de difficultés à mettre la pression, à essayer de les forcer à faire des erreurs. Tu ne veux pas jouer sur les talons encore plus dans une série 4 de 7 où est-ce que tu ne veux pas laisser l'adversaire manœuvrer à sa guise tout au long d'une série. Donc, il faut apprendre à mettre plus de pression là, sur nos adversaires quand c'est des équipes là, de haut classement comme ça. Est-ce que tu sens que Henrik Lapierre, ton jeune joueur de 16 ans, ton premier choix de repêchage, il fait parler de lui partout dans la Ligue. Est-ce que tu sens que les équipes adverses commencent à le surveiller de près là, en attaque? Oui, définitivement. Encore plus là, sur la route, où est-ce que c'est parti là, du plan de match là, de l'équipe adverse. On le voit souvent là, matcher là, contre les meilleurs défenseurs de l'autre équipe, contre les meilleures lignes également. Donc, c'est du gros bagage rapidement pour lui à sa première année dans l'hockey junior, mais je suis convaincu qu'à long terme, ça va être extrêmement bénéfique pour lui. Les instructeurs, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, Yannick, des coachs de la Ligue. Les stratégies doivent changer d'équipe en équipe, de coach en coach. Est-ce qu'il y a un instructeur qui est plus difficile à coacher quand vous les affrontez dans la Ligue? Oh mon Dieu, tu sais, ça dépend des années. Oui, il y en a par rapport à l'équipe qui ont versus le match-up contre nous. Tu sais, c'est pas nécessairement l'instructeur, mais plus l'équipe qui fait vraiment la différence. Année après année, je pense que ça change versus l'équipe adverse. Votre prochain adversaire, mercredi à Rimouski, cette semaine, vendredi dernier, ça n'a pas été facile. Là, vous vous retrouvez sur la route. Est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour jouer mercredi contre Rimouski? Oui, on va pratiquer sur une petite passoire. On l'a vu, là. On a eu beaucoup de difficultés là, à faire le transfert. Là. On avait joué quelques matchs consécutifs sur la route. Le switch là, a été difficile à faire là, lors de notre première rencontre à domicile là, à Rimouski. Donc là, on va retomber là, pratiquer sur une glace tout de suite là, pour pouvoir être prêt lorsqu'on va arriver à Rimouski. Yannick Jean, merci beaucoup. Bonne semaine et on se reparle lundi prochain. Merci à vous.